Oui, vous vouliez intervenir, c'est ça? Oui. En réponse à... Michel Lefebvre. Oui. Michel Lefebvre, voilà. De Vidéo 00. Voilà. Voilà, donc on s'est souvent rencontrés avec Paul, hein, pour cette époque 71-72. Hein. Et ce que je veux dire au niveau du collectif, hein, ce qu'il faut souligner, c'est qu'un film, une bande vidéo, demandait pour être réalisé beaucoup de travail. Ça se comptait en jours de travail. Et il fallait d'abord se déplacer sur les lieux de tournage, etc., quelquefois très loin, au Larzac, à Budget, etc. Il fallait ensuite ramener les bandes, il fallait les décrypter, ce qu'on appelait, c'est regarder, etc. Et ensuite, il fallait les monter au chronomètre, c'était difficile, et tout ça demandait beaucoup de temps. Alors, du côté de Vidéo 00, il faut bien voir qu'on fonctionnait en collectif, parce qu'on agrégeait les temps. C'est-à-dire, on était 6 ou 7 à travailler parfois sur le même film, pour décrypter les bandes, tourner, monter, etc., puis après diffuser. Vous voyez ? Donc, il y avait cette contrainte de temps qui était extraordinaire. D'où la notion de collectif. Hein ? Et si on ne prend pas cette dimension en compte, on ne comprend pas bien qu'est-ce qu'elle est cette notion de groupe. Alors, c'est vrai que Video Out vivait dans des équations personnelles qui leur permettaient peut-être d'avoir plus de temps. Mais, donc, vous voyez, cette notion d'auteur, en fait, disparaissait d'elle-même si on voulait aboutir. Si on voulait aussi que le film soit fait par des gens qui avaient un salaire, des vacances, pas des enfants assurés, une vie, etc. Donc c'est un élément très important. Alors, mais pour revenir en arrière un petit peu en arrière, en disant, on a essayé de comparer le 16 mm, là, le cinéma direct et la vidéo. Je crois que très vite, un certain nombre d'entre nous qui faisons la vidéo, on a compris qu'il se passait autre chose. La vidéo, ce n'était pas le cinéma direct. Mais de voir, il faut se rappeler qu'à l'époque, dans la fin des années 60, les films, bon, c'était, il y avait les caméras, là, 16 mm, avec un son synchrone difficile à synchroniser, avec beaucoup d'argent à mettre sur le moment, etc. Et en fait, on n'avait que du semi-direct. La vidéo, en fait, traçait quand même le futur. Hein, on voyait quand même que finalement, des gens allaient pouvoir s'exprimer quasiment en direct, etc. Il faut se rappeler ce côté magique, Paul. Tu te souviens, on voyait les gens parler dans la continuité. Et Godard a été très sensible à ça aussi. Il a fait des films, les gens n'en finissaient pas de parler. Je me souviens d'un film sur les paysans. Et alors, paysans expliquaient ses conditions, etc. C'était dans les années 70. Et alors, brusquement, on entend la voix de Godard dans le film dire « écoutez bien, spectateur, écoutez bien ce qu'il dit. Il est chiant, mais il parle vrai. » Et donc, il faut aussi remettre ça dans ce contexte. Et c'est vrai que la vidéo, c'est généralisé. Hein. Quels que soient les thèmes, hein, d'ailleurs. Maintenant, le film phare qu'on vient de voir, il est intéressant sur le plan historique, mais les homosexuels, maintenant, on les voit à la télévision. Hein. Ils veulent se marier. Comment ? C'est terrible. Comment ? Ils veulent rentrer dans la famille bourgeoise. Je vous remercie beaucoup pour ces précisions qui sont effectivement extrêmement précieuses et importantes. Et je tiens à dire tout de suite aussi que justement la prochaine séance sera spécifiquement consacrée à 4 groupes, à l'histoire de 4 groupes collectifs constitué, même si parfois ces groupes n'étaient constitués que de deux personnes. Donc, à savoir Video Out, sur l'histoire du groupe, on reviendra sur l'histoire de ce groupe, Les Sans Fleurs, Vidéo 00, et également Videa, qui est un groupe féministe. Donc, on parlera de l'histoire, notamment avec vous, à partir du, la séance du lundi 17 décembre, donc aussi de ce fonctionnement spécifique en groupe vidéo qui a vraiment quelque chose effectivement de particulier à interroger et chacun se positionnant évidemment différemment avec aussi des choix, des implications politiques, des thématiques de prédilection qui sont extrêmement importantes. Alors il y a plusieurs, voilà. Il y a Jean-Henri et Monique Martineau, Nbel. Donc vas-y, je t'en... Vas-y Jean-Henri. Non mais juste en voyant la bande de Paul et Carole, je me disais que, par rapport à ce que tu disais aussi, c'est-à-dire qu'il y a aussi un truc de la vidéo qui arrive à un moment où quand même le cinéma politique, c'est beaucoup la parole. Et la vidéo, il n'y a pas mieux. Si tu veux, là, effectivement, les défauts, on dit, des difficultés de montage, tout ça, etc., comme on monte des grands morceaux de parole, que, en général, on met des voix-off sur des images, etc., si tu veux, on voit bien que le début de la vidéo, je dis le début, hein, pas après, parce qu'après, évidemment, mais au début de la vidéo, c'est surtout la captation de la parole. Tu vois, et c'était quand même une vision très... On avait une vision très... La parole, c'était essentiel, quoi, dans le discours politique, c'est le cas de le dire, mais si tu veux. Et donc, pour capter la parole, la vidéo, c'était formidable. Mais Oui, sauf que là, il me semble, si je puis me permettre, que votre positionnement en vidéo, en tout cas à ceux des collectifs de cette époque, c'est justement d'entendre ce que disait Paul tout à l'heure, les gens modestes, ou plutôt les sans-voix, ou les exclus, c'est-à-dire pas une parole autorisée, c'est-à-dire que le positionnement, me semble-t-il, des collectifs vidéo, c'est recueillir une parole qui n'est pas celle des partis politiques, des représentants des partis politiques ou des syndicats. Et là, il y a une vraie différence. Enfin, peut-être que Jean-Paul, tu pourrais... Non, moi, je pense que c'est tout de suite... Il y a eu peut-être dans les appareils très structurés une adoption de la vidéo. Bon, il faut faire l'histoire, mais... nous, par exemple, quand on avait filmé, c'était... On donnait la parole aux gens qui ne la prenaient pas. On ne voulait pas les dirigeants. S'ils voulaient parler, on leur disait non, pas vous. Oui, voilà. D'ailleurs, ils ne passaient pas. Enfin, ouais. Ça ne donnait pas des bons résultats. Paul, on donnait la parole aux sans-voix, quoi. Oui, oui. Voilà. Les sans-voix qui étaient des problèmes. Monique Martineau-Nbel. Oui, tu voulais. Donc, il me semble, par rapport à ce qui a été évoqué jusqu'ici, il y a la notion de collectif qui me paraît une notion qui était très partagée à cette époque-là, tous médias confondus. C'est-à-dire qu'il y avait cette idéologie bon, qui venait des États généraux, mais qui était par exemple portée par Ariane Mnouchkine, enfin tout ce culte du collectif qui faisait que c'était un peu gênant de s'afficher comme une seule personne. Et par rapport, quand même, ce qui me frappe dans ce qui est évoqué aujourd'hui, et certainement, sans doute, ce qui sera dit à la prochaine séance, c'est que, malgré tout, la vidéo, ça nécessitait du matériel, de l'argent, des compétences. Et par rapport à donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, je citerai un cas qui me paraît tout à fait intéressant. C'est le cas de Léon Maillet, qui a filmé, alors qu'il était paysan, il a filmé en Super 8 la lutte du Larzac. Donc c'était un paysan qui filmait, parce que la caméra Super 8 était moins chère. En même temps, il y avait la contrainte des 3 minutes et demie, si mes souvenirs sont bons, qui faisait que ça impliquait déjà de monter dans sa tête avant de filmer, parce que ça coûtait cher, alors que la vidéo, elle, disons, le fongible était beaucoup moins cher. Bon, Donc, je crois que, moi personnellement, j'ai essayé d'amorcer une analyse justement dans un travail que j'ai fait sur l'implication des gens à chaque étape du processus. Et je crois, je vais peut-être vous faire de la peine, vous allez vous autres, mais je crois que la vidéo à ses débuts, bien évidemment pas maintenant avec les petites caméras, hein, mais la vidéo à ses débuts, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'ouvrier ou de paysan qui ait eu un matériel vidéo dans ces années-là. Si, si. Si, si. Là, pour le coup, mais on y reviendra notamment à travers la séance autour des LIP. Par exemple, Carole et Paul Roussopoulos ont déposé une unité, parfois même deux, et sur place, il y avait... C'était un peu plus tard. Ah oui, plus tard. C'était 74, 75, je crois. Non, 73. Quand même, pour vous donner une idée, quand même, Monique a raison d'insister là-dessus, pour vous donner une idée, ça demandait un investissement lourd, l'achat de matériel. Le porte-à-pack, comme on disait, plus un magnétoscope de lecture, c'est... faire des recherches très exactes, mais ça devait être représenté l'équivalent d'une voiture. Non, 4 voitures. Attends, 4 voitures avec le montage. Non. Avec le montage. Non. On m'a dit une voiture d'occasion plusieurs fois. Mais ça valait à l'époque 220 000 francs. Et 220 000 francs, oui. Non, c'est moi. C'était pas si cher que ça. Ça a coûté 4 fois le prix d'une de chevaux. Alors, il me semble qu'il va falloir se mettre d'accord sur le type de matériel dont on parle et que la technique va être cruciale. On va peut-être rentrer dans le chapitre technique parce que l'histoire de la vidéo, justement, voilà. La question qui va se poser, c'est pour les premiers. Il y a la VRFAC. Les premiers exemples. Ouais. Les portables. Paul Roussopoulos peut donner l'exemple de son de leur achat avec deux lecteurs. Attendez, on écoute Paul Roussopoulos. J'ai dit les portables avec les deux lecteurs pour pouvoir faire du bout à bout, disons. Hein. Je sais que nous l'avons payé avec l'échec d'indemnisation de Carole devant Genet quand je vous ai raconté tout à l'heure. Et les tout. Il coûtait 10 000 francs de l'époque, c'est tout. Et on a payé avec ce chèque. 10 000 francs, c'était pas, disons, une somme nulle. Hein, mais ce n'était pas une somme importante. Deux chevaux, c'était moins que 5 000. Voilà, donc c'était le prix des deux chevaux. C'était 280 euros ou tout. Mais à l'époque, tout le monde pouvait acheter. Nous, on a acheté 6 000 francs notre. Très cher. Alors, à l'investissement, alors évidemment, quand on tournait, ça volait beaucoup moins que le 16 mm. Hein, et donc, le rapport kilomètre de film et prix était en faveur de la vidéo. Mais l'investissement était lourd. Donc, on a été au moins 10 à faire un montage pour se payer ça. Et puis ensuite, on a fondé une coopérative, etc., etc. Mais il faut voir que ce n'était pas un problème simple. Alors après, il y a eu les gens qui travaillaient dans les facultés. Bon, ils ils faisaient acheter le matériel par l'institution, etc. Il y a eu comme ça plein de circuits de financement qui se sont organisés. Mais quand le groupe était seul, etc., il fallait qu'il travaille vraiment en collectif pour pouvoir amortir, on a payé. C'était aussi sur les résultats. C'est pour ça que l'histoire des reventes de matériel d'occasion sur l'ensemble de la décennie est une histoire très intéressante à faire parce que Jean-François Dars et Anne Papillot ont revendu ensuite le matériel qu'eux-mêmes avaient acheté. C'est lequel que vous avez revendu ensuite à RL Vidéo Oh non, c'était c'est plus pneumatique, tard. C'était après. Bon, mais en l'occurrence, l'histoire quand même de la revente de ces matériels. Vidéo 00 a acheté le... Celui le, qu'on a vu, là. Le matériel avec oui, qui, les premiers qu'on a vu, c'était un portopac. Oui, oui, mais c'est la deuxième génération. Nous, on a acheté avant la première. La première avait un défaut. Alors, cette histoire, elle est extrêmement difficile à reconstituer, l'histoire technique. On entend, on souhaite effectivement l'entreprendre, évidemment, avec chacun, chacune d'entre vous, et en s'appuyant sur les sources dont on dispose quand même, et un certain nombre de brochures techniques que nous avons déjà commencé un petit peu à collecter. En l'occurrence, pour la liste des films, la première vidéographie du groupe Vidéo Out, en l'occurrence, il est précisé voilà, que ces bandes ont été tournées avec le fameux Sony donc, portable 2400. C'est tenir, oui. Celui qu'on a vu. Alors, celui qu'on a vu tout à l'heure, quand on voyait Paul et Carole le porter, je vous ai montré l'image. Non, c'est avant. Non, c'est celui-là, c'est celui-là. Avant. Encore avant. C'est le premier. C'est le premier. Non, non, encore avant. Mais ce n'est pas lui qu'on a vu. Là. Oui, mais ça, c'est le 3004. Il y avait le 2100. Ah oui, il y avait le 2100. 2100 était le lecteur enregistreur de maison. Et le portable, ça fait 2004. On va mettre la photo d'après. Ça, c'est le 2004. Ah oui, mais ça, c'est oulala, mais c'est la modernité absolue. Ça, c'est Lucie, c'est la première. Il enregistrait, mais il ne disait pas. Voilà, alors ça, c'est quelque chose qui est important, parce que moi, je l'ai appris, en fait, à vrai dire, tout récemment. Ouais. J'avais toujours cru que, dès cette époque-là, vous pouviez relire les bandes. Or, c'est Lucie, pas le cas. Il n'était pas capable de lire. Il fallait le 2100, avec. Voilà, il fallait les decks, les relecteurs, magnétoscopes qui relisaient, parce que la caméra, le magnétoscope en bandoulière relié à la caméra, lui-même ne relisait pas. D'accord. C'est ce qui fait que comme les lecteurs étaient très lourds, dès qu'on tournait en distance, on n'allait qu'avec le portable, donc on filmait sans savoir qu'est-ce qu'on a fait. Et vous avez filmé notamment en Palestine votre première bande avec ce matériel, sans savoir ce que vous rameniez comme image. Sans savoir qu'est-ce que vous rameniez. Il fallait tout le temps quelqu'un pour porter l'autre machin. Mais c'était impossible. Vous pouvez faire non, l'autre non. À la limite, vous pouvez le mettre sur ton épaule. Non, oui. Moi je le mettais sur le dos. Ouais, mais c'était très lourd. Non, pas celui-ci. Bon. Ce n'est que dans un second temps qu'il y a eu ce système qui, en l'occurrence, et là j'espère, mais il faut me corriger, hein, les acteurs et témoins. Là, il s'agit vraiment de la première unité portable, relisant en même temps, c'est-à-dire que ça faisait et enregistrement évidemment, mais aussi relecture, et vous pouviez revoir les images comme aujourd'hui, classiques dans l'œil ton. Voilà. C'est de quelle année ça ? C'est quelle année ça ? Après 34-20 CE, donc je ne sais pas la date. 72, 73. C'était pneumatique. Non, 72, 73. On pouvait relire ? Enfin voilà, c'était destiné. Effectivement, donc c'est un matériel relativement tardif en demi-pouce. Donc néanmoins, c'est l'un des rares qu'on possède à la BNF. On aura l'occasion lors d'une prochaine séance peut-être d'amener, mais c'est un peu lourd là, l'un des appareils aussi que Yvonne Mignot-Lefebvre et Michel Lefebvre nous ont confié. En tout cas, pour ceux qui n'ont jamais vu de matériel tout en datant d'un peu plus tard que l'époque dont on parle, ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Et je voudrais aussi du coup vous inciter par la même occasion, si jamais vous possédez encore du matériel et dont vous n'avez pas l'usage, à penser éventuellement à enrichir nos collections. Nous avons une collection d'appareils phonographiques très riche, mais la collection d'appareils vidéo est encore à ses commencements. Oui, mais pas enregistrer, il n'est pas branché à la grosse boîte. Oui, excusez-moi, je peux le soulever aussi. Les deux éléments, bien sûr, sont à solidaire et l'un avec l'autre. Enfin, la caméra, c'est bon de rappeler effectivement que la caméra n'a aucune autonomie par elle-même. Les deux forment bloc. Mais on ne relisait pas. Si. Justement, en fait, là, c'est vraiment ce qu'on a appelé. C'est le système. Enfin, vous êtes plusieurs à m'avoir dit qu'à partir du moment où c'était rouge et sur la caméra, que ce matériel. C'est écrit dessus pour l'enlever. Non, mais c'est écrit, mais en plus, ce matériel-là spécifiquement, effectivement, ce matériel qui était rouge alors que l'autre était gris, il relisait aussi ce que ne faisait pas le premier portable. Oui, le premier c'est portable, il y avait une petite manivelle. Il y a eu des militants qui achetaient, donc ils ont mis une bande rouge. Quelle année, on te demande celui-là, oui. 72-73, pas plus tard. Mais je ne peux pas vous dire si c'était milieu 72, début 73. Oui. Ben ça, c'est une chose, effectivement, en détouillant la littérature technique plus soigneusement qu'on a fait jusqu'à présent. Trouver comme un extrait. Je sais qu'en 73, nous, on l'avait. Mais à partir du moment où il y a un bouton play, ça veut dire qu'on peut relire. Voilà, bonne.